en ta personne et que tu frissonnes dans ton lit froid quand cette heure sonne, quand ta personne pour te faire un café, personne qui vient pour te réchauffer, personne pour t'apporter le petit déjeuner, Ronnie. Personne qui t'aime et qui t'appelle mon chéri. Quand t'as personne qui s'occupe de toi comme personne. Quand t'as besoin de quelqu'un et que tu ronges ton frein. Il y a des jours sans et des jours avec. Avec ou sans toi. Mais les jours sans me glacent le sang. Il y a des jours sans et des jours avec. Avec ou sans toi. Mais les jours sans me glacent le sang. Quand t'as personne et que t'es pas résonne fort dans la maison, que tu dois te faire une raison. Quand t'as personne pour te faire un café, personne pour venir te réchauffer. Quand t'as personne